Chapitre 2. Reportez-vous par la pensée à la maison de poste de Donia Ventura, dit Matteo en commençant son récit. Vous n'avez peut-être pas oublié ce Fernando, le petit muletier aux grands éperons qui vint interrompre si brusquement notre souper. Celui-là même, Fernando, vous vous en souvenez, repartit de grand matin avec son aria, une heure avant que les charrettes conduites par Gil Pérez se remissent en marche. Quoiqu'ils suivissent la même route, ces deux hommes ne devaient plus se rencontrer avant d'être arrivés à Buenos Aires. Les mules du petit Fernando trottaient lestement dans les grandes plaines et franchissaient sans difficulté les ruisseaux, tandis que les bœufs de Pérez, attelés à de massives charrettes, traînaient péniblement dans les ornières leurs lourdes charges. Il y avait donc 4 jours que Fernando était au terme de son voyage, lorsque les bouviers, couchés sur le sommet des chariots du haut desquels ils aiguillonnaient les attelages, découvrirent les clochers de Buenos Aires et les larges eaux de la Plata. Pérez conduisit son convoi au pied de la colline du Retiro, à la place accoutumée. Il y avait là 5 à 6 caravanes de chariots, venues des provinces de l'ouest et du nord de la République argentine. L'ensemble de leurs équipages formait une bande de 60 à 80 bouviers, qui se reposaient comme des matelots dont le navire dort sur ses ancres. Les uns, étendus à plat ventre sur l'herbe, chantaient à demi-voix de gais refrains et se livraient philosophiquement aux douceurs du farniente. Les autres éventraient, avec leurs longs couteaux, des melons d'eau gros comme des barils. Quelques joueurs passionnés, assis sur des têtes de bœufs, risquaient d'un seul coup, sur une carte, le salaire de plusieurs mois. Quand parurent les gens de Salta avec leurs charrettes, tous ces gauchos poussèrent un bruyant hurrah pour célébrer l'arrivée des nouveaux venus, et ceux qui comptaient parmi la troupe quelques amis coururent échanger avec eux des poignées de main. Gil Pérez, après avoir dirigé ses bœufs vers les pâturages où il devait se reposer jusqu'au départ, mit son cheval au galop pour aller annoncer à ses co-signataires que sa riche cargaison avait touché le port sans accident. Dès qu'il fut parti, des groupes se formèrent autour des feux allumés par ces gens. Le bruit s'était répandu depuis 2 jours parmi les gauchos, race vagabonde et insubordonnée, que des soulèvements avaient eu lieu dans les provinces de l'intérieur. Ils avaient hâte de questionner des voyageurs qui venaient de traverser toute l'étendue des pampas. Il y avait du vrai dans cette nouvelle, et l'idée de déserter les chariots pour monter à cheval et se joindre aux bandes armées souriait à la plupart des bouviers. Galoper en liberté dans des plaines sans fin, piller les grandes fermes isolées, attaquer les hameaux. Telle était la perspective attrayante qui s'ouvrait à leur imagination. Pendant qu'ils s'entretenaient des événements qui se préparaient en la Tierra d'Antro, dans l'intérieur des terres, Fernando vint à passer. Il était à pied, mais traînait toujours à ses talons ses grands éperons d'acier qui gênaient sa marche. On eût dit un aigle démonté par le chasseur et que les longues plumes de ses jambes empêchent de courir. « Tiens !» crièrent les bouviers. « Voilà le petit muletier, le marchand d'eau-de-vie de San Juan. Hé, Fernando, veux-tu nous envoyer un baril que nous buvions à ta santé ?»« Donnez-moi plutôt à manger, vous autres, » répondit le muletier. « Je suis à jeun depuis hier. » Et coupant une tranche de viande dans la grosse pièce de bœuf qui rôtissait devant le feu, il prit l'une des extrémités du bout des doigts, introduisit l'autre dans son gosier et l'avala d'une bouchée, comme un lazarone eût fait d'une poignée de macaroni. « Merci, » dit Fernando, en essuyant son couteau sur sa botte de peau de vache. « Me voilà mieux maintenant. Vous me permettrez de coucher ici, n'est-ce pas? Et vous me prêterez bien une couverture pour passer la nuit. En attendant, je vais m'allonger là, dans quelque coin, pour faire la sieste. » Il se glissa entre les deux roues d'une charrette et s'endormit, sans que les bouviers s'occupassent de lui. Gil Pérez revint bientôt donner à ses gens l'ordre de décharger les chariots dès le lendemain matin. En faisant sa ronde, il aperçut le muletier tranquillement endormi et qui ronflait sur l'herbe comme un enfant dans les bras de sa mère. « Hé, Fernando, lui dit-il, que fais-tu là, mon garçon ?»« Je me repose, répondit celui-ci en se frottant les yeux. J'ai passé 4 jours et autant de nuits à jouer aux cartes. « Et tu as gagné ?»« Au contraire, j'ai tout perdu. » Mon chargement d'eau-de-vie, mes mules, tout ce que je possédais. Voulez-vous me prêter 20 piastres, Gil Pérez? Pour les jouer encore? Peut-être. Tenez, j'étais un homme rangé, je ne jouais jamais. Et vous êtes cause que je vais peut-être devenir un brigand. Depuis bien des années, je connais Pépita. Je l'ai vue grandir. Sa mère me recevait bien. Elle devinait que j'aimais sa fille et m'encourageait elle-même à travailler pour acquérir de quoi augmenter mon petit commerce. À chaque voyage que je faisais, je ne manquais jamais de m'arrêter à la esquina. Je retrouvais Pépita, plus grande et plus jolie. Elle m'accueillait, elle aussi, avec joie. J'étais heureux, et depuis 2 ans que vous passez par là, tout est changé. Avec vos châles de crêpe et vos chaînes d'or, vous leur avez tourné la tête. La mère me traite comme un homme de rien, et c'est vous que l'on fête. Prêtez-moi 20 piastres que je gagne de quoi faire aux deux dames des présents qui me remettent en faveur auprès d'elles. Vous êtes bien riche, Gilles Pérez. Vous trouverez à vous marier dans les villes, à Salta, à Cordova, où vous voudrez. Moi, je suis pauvre, mais j'aime Pépita, la seule fille qui ne me repousserait pas, tout ruinée que je suis. » Et parlant ainsi, Fernando avait les larmes aux yeux. Gilles Pérez, surpris de cette demande et de cette franche explication, eut pitié de la misère du muletier, mais ne fut point ému de son chagrin. « Si tu veux 20 piastres, répondit-il, je te les donnerai. J'ai le moyen de t'avancer cette somme, Dieu merci, quoiqu'elle soit ronde. Mais crois-moi, ne joue plus, mon garçon. Laisse là ton commerce. Pour faire des affaires un peu considérables, il faut 2 choses. Du capital et du crédit. Tu n'as ni l'un ni l'autre, tu feras mieux de renoncer à Pépita, qui ne pense plus guère à toi, et de retourner dans la vallée de San Juan. Tiens, voilà tes 20 piastres. Gilles Pérez, remarqua le muletier en se redressant avec fierté. Vous me lancez à la face des paroles qui me rendent fou de colère. Je m'efforçais d'oublier de quelle manière vous m'avez traité, sur quel ton injurieux vous m'avez parlé à la esquina, devant la jeune fille, devant sa mère, devant des étrangers qui se trouvaient là par hasard. Et vous recommencez? Eh bien, je ne vous demande rien, gardez votre argent. Mais je vous en supplie, laissez-moi Pépita, et je vous jure une reconnaissance éternelle. Impossible, mon garçon. Je n'aurai pas le droit de profiter des avantages que me donne ma position. Tu es fou, Fernando. Prends ces 20 piastres, je te les donne, et je n'exige pas même de toi cette reconnaissance que tu me promets. Ah, carretero, charretier, tu t'en repentiras, dit à voix basse le jeune muletier, et il se retira les mains vides comme il était venu, mais la haine dans le cœur. La nuit arrivait, l'ombre se répandait sur les chariots rangés au pied de la colline. On distinguait à peine parmi les haies de cactus les hautes tiges des agaves pareilles à des candélabres éteints. Les promeneurs regagnaient la ville au plus vite. Il n'est pas prudent d'errer le soir autour des plantations d'oliviers qui couvrent ce vallon solitaire. Et bien des croix de bois piquées en terre sur le talus des fossés invitent le passant à prier pour ceux qui sont morts assassinés. Quand l'obscurité fut complète, quand, au milieu du silence, les eaux argentées de la Plata soulèvent comme des masses inertes et opaques les navires mouillés au large parallèlement à la rive, Fernando détacha ses éperons pour marcher sans bruit et s'enfonça dans les ténèbres. « Ah, carretero, disait-il à voix basse, tu m'as rendu joueur, tu es cause que je suis ruiné. Tu répondras devant Dieu du sang que je vais verser. » Et, prenant en main son couteau, il s'embusqua au tournant d'un chemin creux qui descend derrière le couvent de la Recoleta. Fernando était là depuis 1/2 heure quand les pas d'un cheval le firent tressaillir. La rapidité de la pente forçait l'animal à marcher lentement et avec précaution. Le cavalier sifflait tranquillement. « Bon, pensa le muletier, ce doit être un carcaman. » Expression injurieuse par laquelle les gauchos désignent les Européens. Un fils du pays se tiendrait mieux sur ses gardes en pareil lieu et à pareille heure. Tant pis pour lui, son consul le réclamera s'il veut, c'est son affaire. » Et se précipitant sur le cavalier, il l'attira violemment par le bras, lui plongea son couteau dans le flanc gauche et le jeta sans vie sur le bord de la route. 2 ou 3 onces d'or que l'étranger portait dans sa ceinture passèrent dans celle de Fernando, qui ne put s'empêcher de les faire sonner en poussant un cri de triomphe. Après ce sanglant exploit, l'assassin s'élança sur le cheval de sa victime et prit droit devant lui à travers la pampa. Le sort en était jeté. L'honnête muletier avait franchi la distance qui le séparait du bandit. Ce premier crime avait fait de lui un gaucho malot. Êtes-vous bien sûr, demandai-je à Mathéo, que cet homme fut auparavant un honnête muletier, comme vous le dites? Vous vous rappelez l'effroi qu'il nous causa à la maison de poste, quand il porta à la main son couteau en éteignant la lampe allumée devant la Madone? Les paroles de Gilles Pérez l'avaient mis en colère, reprit Mathéo. Je crois même qu'il tourna au mal dès ce jour-là, mais en pensée seulement. Quand il eut dans sa poche les onces d'or gagnées au prix d'un meurtre, et qu'il se lança dans la plaine sur le cheval de l'homme qu'il venait de poignarder, il ne chercha plus qu'à se rallier à une bande de malfaiteurs. Les circonstances étaient favorables au nouveau genre de vie qu'il allait embrasser. La guerre civile se rallumait dans les provinces, et déjà l'on voyait paraître sur divers points, au nord et à l'ouest, des troupes armées. Ces bandes se composaient de péons qui avaient déserté les estancias, grandes fermes où l'on élève du bétail, de bouviers qui abandonnaient leur convoi, de gens sans aveu, déjà brouillés avec la justice, de vagabonds en tête de pillage. Avant de rien entreprendre, cependant, Fernando fit un voyage jusqu'à la Esquina. Le petit Jacinto lui sauta au cou comme à l'ordinaire. Le vieux Toribio, l'intendant de Doña Ventura, le voyant arriver seul, monté sur un cheval de prix, sans son cortège habituel de mules et de muletiers, courut au-devant de lui. « Amigo, lui cria-t-il, d'où viens-tu en si bel équipage? Il paraît que l'eau-de-vie de San Juan se vend bien là-bas. » Sans rien répondre, Fernando ouvrit vivement la porte et s'adressant aux deux dames, surprises de sa brusque apparition. « Écoutez, dit-il, la gauchada va se mettre en campagne, et je crois bien que vous ne receviez l'une de ses premières visites. J'ai des amis de ce côté-là. Donnez-moi votre fille, Doña Ventura, et je saurai vous mettre, elle et vous, en lieu de sûreté. » « Depuis quand prends-tu parti pour les brigands, Fernando ? » demanda Doña Ventura avec indignation. « Pipita, reprit le muletier avant de répondre, veux-tu de moi ? Tu trembles, tu tournes la tête. Réponds-moi, Pipita, est-ce que je te fais peur ? Est-ce que tu me prends pour un bandit ? » La jeune fille essayait en vain de parler. Fernando avait un son de voix terrible que ne pouvait adoucir l'amour sincère et passionné qu'il portait encore à Pepa. « Fernando, s'écria Doña Ventura, la dernière fois que tu étais ici, tu as quitté ma maison comme un furieux, la main sur la poignée de ton couteau. Tu y entres aujourd'hui comme un bandit, la menace à la bouche. Va, pars, et ne reviens plus, je n'ai pas besoin de ta protection. » « Ah, vous voulez dire que Gilles Pérez vous protégera ? Comptez-y, il y a des temps où les beauchals et les chaînes d'or ne valent pas un sabre et une carabine. Après tout, j'ai de l'or, moi aussi. « Voyez plutôt. Encore une fois, Pepita, veux-tu me suivre ? Je ne suis plus muletier, c'était un métier trop vil, n'est-ce pas ? Veux-tu que je t'emporte en croupe dans la Sierra de Cordova, au Chili ?» À mesure que son exaltation croissait, les paroles du gaucho arrivaient à l'accent de la colère. Il pâlissait. Les mauvaises passions qui bouillonnaient dans son cœur donnaient à sa physionomie un aspect féroce. Pepa le regarda d'abord avec douleur, puis avec effroi. Les larmes qui commençaient à couler de ses yeux s'arrêtèrent au bord de ses paupières. Elle poussa un cri en courant vers sa mère et tomba évanouie entre ses bras. Fernando sortit précipitamment. Son amour pour Pepita, le dernier bon sentiment qui lui restait dans l'âme, venait de faire place à la haine. Quoique Fernando se fût exprimé à mots couverts, sans rien articuler de précis, les propos du jeune muletier avaient laissé les deux femmes en proie à une vague terreur. Le bruit s'était déjà répandu dans le pays que la gauchada se réunissait sur les frontières de la province de Santa Fe. Plusieurs d'entre les postillons que Doña Ventura entretenait pour le service de la poste avaient disparu la nuit précédente, emmenant avec eux les meilleurs chevaux. Le vieux Toribio, dévoué à la famille qu'il servait avec fidélité depuis 30 années, se tenait nuit et jour aux aguets. Il poussait des reconnaissances jusqu'à l'entrée de la plaine, et là, penché sur le cou de son cheval, la main posée sur son front pour abriter ses yeux contre les rayons du soleil couchant, il promenait ses regards sur l'horizon. Tantôt il prenait avec lui le petit Jacinto, à qui il avait donné les premières leçons d'équitation, et s'enfonçait dans la forêt à travers les buissons et les halliers. Mais les oiseaux chantaient gaiement à l'ombre des grands arbres. Le coucou noir jetait paisiblement son cri sur la plus haute branche des caroubiers. De l'autre côté de l'ouest s'étend une vaste lagune, au bord de laquelle les mules de Fernando avaient souvent fait halte. On y voyait encore des traces de campement, mais aucune fumée ne s'élevait alentour. Les flamands, qui se tenaient au bord des eaux, debout sur une patte et la tête cachée sous l'aile, prouvaient par leur immobilité même qu'aucun ennemi ne s'avançait dans cette direction. Pendant plusieurs jours, on n'entendit donc point parler des brigands ni de Fernando. Celui-ci, en quittant la Esquina, s'était porté sur la route de Buenos Aires au-devant de Gil Pérez, qui retournait à Salta avec ses chariots. Quelques vagabonds n'avaient pas tardé à se joindre à lui, ils le regardaient comme leur chef, parce que, dans ses pérégrinations multipliées à travers les provinces de l'intérieur, il avait acquis ce qui manquait à la plupart d'entre eux, la connaissance exacte d'une grande étendue de pays. Leur quartier général était une pulperia isolée, taverne que l'on rencontre au milieu des pampas où l'on vend tout ce qui est nécessaire à la vie. Bâtie sur la frontière du territoire des Indiens. Ils y menaient joyeuse vie, tandis que leurs chevaux, attachés à des poteaux autour de la caverne, dormaient sur leurs quatre jambes, scellés et bridés, les gauchos, le sabre au côté, savouraient l'eau de vie anisée et se livraient, la guitare en main, à de gaies improvisations. Un matin, cependant, Gil Pérez venait de donner à ses chariots l'ordre de départ. Le convoi, qui avait campé sur les bords du Rio Salado, se déroulait lentement en rase campagne. Il faisait froid, on était en hiver. Un vent glacé balayait ces mornes solitudes où rien ne met obstacle à la violence. Comme il galopait en avant de sa caravane pour reconnaître le gué d'un petit ruisseau, Pérez découvre à l'horizon une douzaine de points noirs qui se dirigeaient vers lui avec une extrême vitesse. Il distingue bientôt des cavaliers aux ponchos flottants, les uns armés de lances, les autres tenant à la main de courtes carabines. Une pareille rencontre lui paraît suspecte. Il revient sur ses pas et range sa troupe en ordre de bataille. Les chariots sont disposés en cercle, le timon en dedans. Les bœufs, placés au centre, obéissent à la voix des bouviers et se serrent les uns contre les autres. Des armes sont distribuées au reste de la troupe. Entre tous les chariots, des pistolets et des tromblons menacent l'ennemi qui tenterait de pénétrer au milieu du convoi changé en forteresse. Ces dispositions étaient à peine prises que le groupe de cavaliers ralentit sa marche. Un seul d'entre eux pousse en avant. Arrivé à 20 pas des chariots, il s'arrête, et déliant le mouchoir qui cachait une partie de son visage. « Don Gil, s'écria-t-il, avouez que le petit muletier Fernando vous a fait grand-peur. »« C'est toi, répliqua Pérez. Que fais-tu ici? Que nous veux-tu? » J'ai changé de métier, amigo. Ne vous avais-je pas dit que... quand je serai dégoûté de celui de muletier, j'en prendrai un autre. Maintenant, je suis chasseur d'autruches. Mes amis et moi, nous en avons poursuivi ce matin une belle bande qui nous a échappé. Ne l'avez-vous pas rencontré ? Encore un triste métier que tu fais là, mon garçon, dit Gil Pérez. Si tu n'avais que cela à me dire, il ne fallait pas fondre sur nous avec tes compagnons comme des voleurs. Au moment où vous avez paru à l'horizon, il y avait, à 1 mille devant moi, quelques autruches que j'ai fait fuir. Si ce sont celles-là que vous cherchez, continuez votre chasse et laissez-nous suivre notre route. » Pendant ce pourparler, les bouviers rassurés avaient cessé de se tenir sur la défensive. Les compagnons de Fernando s'approchaient d'eux, lentement, avec une indifférence marquée, en roulant leurs cigarettes. La conversation s'engageait entre les prétendus chasseurs et les conducteurs de chariots. Bien qu'il ne soupçonnât aucune trahison, Pérez hésitait à se remettre en marche tant que Fernando et sa bande ne se seraient pas éloignés. La halte se prolongeait donc, et les autruches, que n'effrayait pas le bruit des roues tournant sur les essieux de bois, reparaissaient au milieu de la colline derrière laquelle elles s'étaient réfugiées. « Tenez, Don Gil, reprit Fernando, je parie que mon cheval, qui a déjà fait 18 lieues ce matin d'une seule traite, atteint l'une de ces bêtes-là avant le vôtre, tout reposé qu'il est. « Je n'ai pas le temps d'accepter ton défi, » répondit Pérez, ennuyé de ce retard. « La plaine n'est pas sûre, et j'ai hâte de voir les premières maisons de Cordova. »« Bah, cette petite course fera l'affaire de 5 minutes, » dit le muletier. « Voyons, un temps de galop, et je vous débarrasse de ma présence et de celle de mes amis, qui paraissent pas vous charmer beaucoup, foi d'honnête homme. »« Eh bien, soit, pourvu que je reparte, » répondit Pérez. et il enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval. Fernando le suivait de si près que leurs genoux se touchaient. Les gauchos et les bouviers poussaient des cris de joie pour exciter davantage les deux chevaux qui semblaient voler sur la plaine. Déjà aussi les autruches, qui se sentaient poursuivies, fuyaient au plus vite. Le cou tendu, elles fouettaient l'air de leurs courtes ailes et sillonnaient cet océan de hautes herbes en faisant à droite et à gauche de rapides et brusques crochets. Les deux cavaliers les harcelaient avec vigueur et se rapprochaient d'elles. Cette course effrénée durait depuis 10 minutes au moins, lorsque Fernando commença à rester en arrière. Gilles Pérez, qui se retournait pour calculer du regard la distance qui le séparait de lui, l'aperçut qui brandissait à la main une paire de boules, grosses comme le poing. Cette arme que les gauchos lancent un 20 pas devant eux se compose de 3 boules attachées à autant de cordes. Celle que l'on tient à la main est plus longue que les 2 autres. « Amigo, lui cria-t-il sans s'arrêter, ces boules-là sont bonnes pour abattre un cheval sauvage. » Mais comme il cherchait à sa ceinture les petites boules de plomb qu'il se préparait à lancer lui-même au cou de l'autruche, son cheval tomba, les pieds de devant enlacés dans les cordes qui venaient de partir des mains du muletier. La violence de la chute fut en proportion de la vitesse de la course. Fernando poussa un cri de triomphe en voyant son rival rouler dans la poussière. Pérez, tombé sur le côté gauche, cherchait à dégager son sabre pour couper la terrible corde dont les replis emprisonnaient les jambes de son cheval. La pauvre bête, haletante, couverte d'écume, se débattait avec force. Avant que Gilles Pérez eût pu mettre la main sur son arme, le muletier sauta à terre et le prit à la gorge. « Tu es un traître et un lâche !» criait le malheureux Pérez, étourdi par sa chute, en essayant de se délivrer des étreintes de son ennemi. « Tu m'as attiré dans un piège pour m'assassiner !»« Ce n'est pas tout !» répondit froidement le muletier. « Regarde par là, tu vois cette fumée? Ce sont tes chariots qui brûlent. La plaine est en feu. C'est toi que je chassais, Carretero. J'ai suivi ton conseil. De muletier que j'étais, que je serais encore sans toi, je me suis fait brigand. J'ai revu Pepa, elle ne veut plus de moi. Le traître, entends-tu, c'est toi qui as ruiné toutes mes espérances. » Pérez était alerte, vigoureux. Son ennemi n'eût osé lutter contre lui à armes égales, mais la surprise et l'effroi paralysaient ses forces. Après l'avoir égorgé de sang-froid, Fernando passa une corde autour de son cou, et comme son cheval respirait encore, il le traîna jusqu'au bord d'un ruisseau, où il le jeta tout sanglant. Des nuages de fumée s'élevaient à l'horizon. Les flammes dévoraient les herbes de la plaine avec un sourd murmure. Avant que l'incendie eût atteint les chariots, les gauchos s'étaient empressés de les mettre au pillage. Leurs hurlements de triomphe se mêlaient au crépitement de la flamme, au mugissement des bœufs épouvantés que les conducteurs à cheval chassaient devant eux. Armés comme ils l'étaient, les bouviers auraient pu résister aux bandits et les mettre en fuite. Il leur avait paru plus simple de se joindre à eux, plus prudent de ne pas exposer leur existence pour sauver la fortune d'autrui, et plus lucratif de partager les dépouilles après une victoire à laquelle ils s'associaient. Une fois arrivés hors de la portée de la flamme, qui venait expirer sur les bords du ruisseau dont Pérez le matin même avait cherché à reconnaître le passage, ils rassemblèrent le butin pour se le partager. Quant aux bœufs, ils les abattirent à coups de carabine. Ces malheureux respiraient encore que ces vauriens taillaient dans leur chair pantelante des morceaux à leur goût. Chacun d'eux se régala selon la puissance de son appétit et abandonna aux oiseaux de proie les restes de ces patientes bêtes qui, quelques heures auparavant, traînaient courageusement à travers l'interminable plaine les 15 chariots de Gilles Pérez. Fernando reparut bientôt au milieu des charretiers réunis au gaucho. Aucune voix ne s'éleva, même parmi les bouviers, pour lui demander ce qu'il avait fait de leur chef. Les gens engagés au service de Gilles Pérez n'avaient pas tous consenti à sa mort. Ils se fussent même défendus s'il eût été là pour les commander. Mais en l'absence de leur patron, la contagion du mauvais exemple les gagna. Ils se mirent à hurler avec les loups. « Mes amis, leur dit Fernando, qui même me suivent, qui veut s'éloigner en est libre. Ceux qui n'ont pas de chevaux peuvent monter en troupe derrière les cavaliers. Je promets de les conduire à un poste où ils trouveront des montures de premier choix. »